Parce que... Bao, bao, bao. Même. Hali, hali, hali. Hier. Kunu, kunu, kunu. L'année dernière. Salo, salo, salo. Entier. Kuturu, kuturu, kuturu.